Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 87e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la question de Khalid à Mohammed que nous avons étudiée dans le cours précédent afin d'observer les questions de grammaire qui sont nécessaires à sa bonne compréhension. Pour nous remettre dans le contexte, reprenons donc les deux répliques suivantes dans lesquelles Khalid interroge Mohammed sur le nombre des prières que les musulmans doivent accomplir quotidiennement. Kam salatan fil yaumi ya Mohammed fil yaumi khamsu salawatin. La question de Khalid commence par le pronom interrogatif kam qu'on utilise pour interroger sur la quantité. Comme nous l'avons vu précédemment, on le fait suivre du nom des choses ou des personnes que l'on souhaite dénombrer, en l'indiquant sous sa forme du singulier, indéfini et décliné au cas direct. Dans cette question, le nom Salatan, qui signifie « prière », respecte donc bien ces trois conditions, puisqu'il est au singulier, ne débute pas par la particule alif lam et que sa terminaison est marquée par la voyelle fatha. Kam Salatan, combien de prières ? On trouve ensuite la particule du cas indirect « fi », qui implique que le nom qui la suit soit décliné au cas indirect. C'est ici le cas du nom Al-Yaoum, dont la terminaison est marquée par la voyelle Kasra, Fil-Yaoumi. Enfin, on trouve la particule Ya, que Khaled utilise ici pour attirer l'attention de Mohammed. Ya Mohammed. On l'appelle en arabe Harfun Nida, qui signifie littéralement en français particule d'interpellation. Lorsqu'on interpelle une personne par son prénom, il perd le tanwin, la double voyelle à sa terminaison. On dira donc « Ya Mohammedou » et non pas « Ya Mohammedoun ».« Ya Khalidou » et non pas « Ya Khalidoun ». En français, le sens de cette particule est généralement exprimé par l'intonation à l'oral et par le point d'exclamation à l'écrit, même si on peut aussi utiliser des interjections comme « et » ou « o » qui sont assez familières, ou aussi parfois « o » qui est très soutenu et très peu employé de nos jours. Pour traduire « Ya Mohammed », on dira donc tout simplement « Mohammed » ou encore « Eh Mohammed ». « Kam salatan fil yaumi ya Mohammed ?»« Mohammed, combien y a-t-il de prières chaque jour ?» On peut aussi faire suivre la particule « ya » d'un nom commun qui perd alors le tanwin de sa terminaison dans le cas où l'on s'adresse à une personne en particulier. On peut donc dire « Ya Rajulu » qui signifie littéralement « Eh l'homme ». Mais qu'on traduira plutôt en français par « Eh, monsieur !» ou tout simplement « Monsieur !» De la même façon, « Ya waladou » qui signifie littéralement « Eh, le garçon !» et qui correspond en français à la formule « Eh, garçon !» ou encore « Eh, petit !» ou d'autres formules équivalentes. Voilà pour aujourd'hui, ce 87e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. On se retrouve, incha'Allah, vendredi avec le 88e mini-cours qui sera consacré aux questions de grammaire contenues dans la réponse de Mohammed à cette question de Khalid. Wassalamu alaikum.